Book 2 10 10 10 أمس اليوم غدا Hier aujourd'hui demain Hier aujourd'hui demain أمس كان السبت Hier, c'était samedi. Hier, c'était samedi. Ams, كنت في السينما. Hier, je suis allé au cinéma. Hier, je suis allé au cinéma. كان الفيلم مشوقا. Le film était intéressant. Le film était intéressant. اليوم هو الأحد. Aujourd'hui, c'est dimanche. Aujourd'hui, c'est dimanche. اليوم أنا لا أعمل. Aujourd'hui, je ne travaille pas. Aujourd'hui, je ne travaille pas. سأبقى في البيت. Je reste à la maison. Je reste à la maison. غدا الاثنين. Demain c'est lundi. Demain c'est lundi. غدا سأعود للعمل مجددا. Demain je recommence à travailler. Demain je recommence à travailler. أشتغل في المكتب. Je travaille au bureau. Je travaille au bureau. من هذا؟ Qui est-ce? Qui est-ce? هذا بيتر. C'est Pierre. C'est Pierre. بيتر طالب. Pierre est étudiant. Pierre est étudiant. من هذه؟ Qui est-ce? Qui est-ce? هذه Martha. C'est Martha. C'est Martha. Martha, secrétaire. Martha est secrétaire. Martha est secrétaire. Peter و Martha أصدقاء. Pierre et Marthe sont amis. Pierre et Marthe sont amis. Peter, صديق مارتا. Pierre est l'ami de Marthe. Pierre est l'ami de Marthe. Marthe, صديقة Peter. Marthe est l'ami de Pierre. Marthe est l'ami de Pierre. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.